Le luth brisé, nouvelle historique. On parle beaucoup dans le monde de la généreuse amitié de Pao et de Cho. Mais quel homme apprécie dignement le luth de Peiya? Aujourd'hui, que les amis n'ont plus l'un pour l'autre, que des sentiments de haine, on traverserait en vain les lacs et les mers pour rencontrer un cœur sincère. Parmi les plus beaux exemples d'une amitié généreuse dont l'histoire a gardé la mémoire depuis les temps antiques, il n'en est pas de plus célèbre que celui de Quan et de Pao. Ce sont Quan Yi Hu et Pao Shou Ya. Ces deux personnages, contemporains du roi Chuang Wang de la dynastie des Cheu vers 690 avant Jésus-Christ, s'étaient associés pour faire du commerce et ils gagnaient beaucoup d'argent. Quand venait le temps de partager le bénéfice, Quan se servait lui-même très largement, mais Pao Shou ne le traitait point pour cela d'homme avide et insatiable. Il savait que son ami avait une pauvre famille à soutenir. Plus tard, pendant les révolutions qui désolèrent l'Empire, Quan ayant été fait prisonnier, son ancien compagnon Pao Shou le sauva et fit de lui un si grand éloge au roi de Tsi que ce prince le nomma aux fonctions de ministre. Deux individus qui se donnent de telles marques d'affection sont vraiment ce qu'on peut appeler des amis, mais dans l'amitié, il y a des degrés, des nuances désignées par des qualifications diverses. Ainsi, quand deux personnes sont unies par le lien d'une reconnaissance mutuelle, on les désigne par l'expression « chi qi », c'est-à-dire qui vous connaît à fond. Deux amis qui sentent l'un pour l'autre une grande sympathie sont appelés Chi Sin, intimes de cœur. Si c'est simplement le son de la voix ou de la musique qui détermine deux personnes à se porter de l'affection, cela s'appelle Chi Yin, se connaître par l'effet des sons. Cependant, ceux qui sont liés de cœur d'une façon quelconque rentre sous la dénomination générale d'amis, Xiang Qi. Or, maintenant, voici l'ancienne histoire de Yu Peiya que nous allons raconter. Si donc, lecteur honoré, vous désirez l'entendre, secouez vos oreilles et écoutez. Si au contraire vous ne daignez pas prendre cette peine, ne vous dérangez pas, restez dans votre noble repos, car quand celui qui connaît son ami au son de sa voix parle, l'autre l'écoute. Mais s'il ne s'adresse pas à celui qui distingue les sons, alors il ne pourra se faire entendre. Au temps dont l'histoire est consignée dans le Chunxieu de Confucius, à l'époque où les guerres civiles déchiraient l'Empire, vivait un personnage d'une naissance distinguée dont le nom était Yu Shui et le surnom honorifique Peiya. Bien qu'il fût originaire de Yingtu, capitale du royaume de Tsu, aujourd'hui le district de Qingcheu dans le Hukuang, le génie qui préside aux magistratures le conduisit vers le royaume de Tsin, où il arriva au rang élevé de Ta Fu. Là, il reçut du souverain l'ordre d'aller remplir une ambassade près du roi de Tsu. Peiya sut tirer un grand avantage de cette mission, et cela de deux manières. D'abord, les beaux talents dont il était doué le mirent à même de remplir dignement la haute fonction que lui confiait le monarque. Puis, comme il parcourait et visitait le pays, il fit d'une pierre deux coups et put, tout en continuant de faire route par terre, aller dans sa ville natale. Il se présenta donc à la cour du roi de Tsu pour lui faire connaître les ordres de son souverain. Le roi de Tsu, de son côté, traita magnifiquement Peiya et lui témoigna les plus grands égards. Le pays de Yingtu était le lieu paisible où avait vécu sa famille. Mot à mot, un pays où croissent le mûrier et l'osier. Peia ne put donc résister au désir d'aller rendre une visite au tombeau de ses ancêtres et de se retrouver encore au milieu de ses parents et de ses amis. Mais malgré tout, celui qui sert avec zèle son souverain, quand il se voit chargé des ordres du prince, n'ose s'arrêter longtemps en chemin. Aussi, dès que sa mission fut remplie, Peia prit congé du roi de Tsou, qui lui donna en présent de l'or, des pièces de soie précieuses et un char magnifique traîné par 4 chevaux. Cependant, Peia avait été près de 20 ans absent de son pays natal, et quand il se mit à songer que son ancienne patrie renfermait de si beaux fleuves et de si belles montagnes, il sentit naître en lui un violent désir de revoir et d'admirer encore ces paysages. Son plan fut de voyager par eau et de rentrer dans le royaume de Tsin en faisant un grand tour. Voici comment il exprima son idée devant le roi de Tsou. Sire, lui dit-il, votre sujet a malheureusement la même incommodité que les chiens et les chevaux. Il a trop voyagé par terre et il ne lui convient pas d'être ballotté sur un char au galop. Il ose donc vous prier de lui accorder un bateau et des rames. Cette manière de voyager serait plus favorable à son rétablissement. Le roi de Tsou accueillit favorablement cette demande et ordonna à l'intendant des rivières de mettre à la disposition de Peia 2 grands bateaux, l'un spécialement destiné à l'ambassadeur, l'autre supplémentaire, bien fourni de provisions pour les bagages et les hommes de sa suite. Les 2 embarcations avaient des avirons de bois odorants et des gaffes peintes, des rideaux de soie brodés et de hautes voiles. Quand tout fut ainsi préparé avec le plus grand soin, les magistrats de Tsou vinrent en foule reconduire Peia jusqu'au lieu d'embarquement et lui faire leurs adieux. Si vous voulez voir des prodiges et entendre des merveilles, ne vous inquiétez pas si les montagnes sont distantes et les rivières éloignées. Doué de tous les talents qu'éveille une brillante imagination, Peia jouissait à cœur ouvert des belles scènes que lui offraient les monts et les fleuves. Il mit donc à la voile, fendit au loin les vagues transparentes et azurées, et contempla, sans pouvoir les épuiser toutes, les montagnes lointaines entassant leurs pics d'un bleu sombre et les rivières aux ondes calmes et limpides. Bientôt les bateaux arrivèrent à l'embouchure du fleuve Kiang, dans le Hanyang. On était alors au 15e jour du 8e mois, à la 2e division de l'automne. Les Chinois, toujours minutieux, divisent les 4 saisons, Seishi, en 2 parties qui forment les 8 si. Tout à coup, au milieu de la nuit, il s'éleva un vent terrible et les vagues se mirent à croître. La pluie tombait à torrents. Dans l'impossibilité de continuer la route, le patron des bateaux fit porter une ancre sur le rivage. Cependant, la brise ne tarda guère à s'adoucir. Les flots s'apaisèrent, la pluie cessa et les nuages entr'ouverts laissèrent voir le ciel. Puis alors parut le disque de la lune, et comme cela arrive après la pluie, son éclat paraissait doublé. Assis tout seul dans la cabine, Peia était triste et ennuyé. Il ordonna donc à son domestique de brûler des parfums dans une cassolette, pendant que lui-même il prendrait son luth pour en tirer quelques notes et ramener le calme dans son esprit. Le domestique, ayant allumé le feu et brûlé les parfums, apporta le luth dans son étui et le déposa sur la table devant son maître. Peia ouvrit la boîte et prit l'instrument, puis il le mit d'accord et essaya de jouer un air. Mais il n'avait pas achevé son premier couplet que les notes sortirent péniblement sous ses doigts et une des cordes du luth se brisa. Fort surpris de cet incident, Peia envoya demander au patron du bateau quelle était la nature du pays dans lequel il se trouvait. « Le vent et la pluie d'hier, répondit le marinier, nous ont forcés de jeter l'ancre au pied d'une montagne. Elle paraît à la vérité couverte d'herbes et bien boisée, mais on n'y voit aucune habitation. » L'étonnement de Peia redoubla. Cette montagne, pensa-t-il, est déserte et inhabitée. Si j'étais près d'une ville ou d'une campagne bien peuplée, je pourrais supposer qu'un homme instruit, connaisseur en musique, a entendu furtivement les accents de mon luth, et ce serait la cause de la longueur des notes et de la rupture subite de la corde. Or, ici, au pied de cette colline solitaire, peut-il y avoir un être qui connaisse et comprenne cet instrument? Non. Voici ce que c'est. Il me vient à l'esprit que peut-être est-ce un ennemi qui envoie un bandit pour m'attaquer. Peut-être est-ce un voleur qui attend l'heure avancée de cette nuit d'orage pour se glisser dans le bateau et me dévaliser. Eh bien, il faut que j'appelle mes hommes et que j'aille avec eux faire une tournée au bord du fleuve. S'il n'y a rien sous l'ombre des saules sur la plage solitaire, assurément, il y aura quelqu'un parmi les touffes épaisses des roseaux. Les domestiques s'empressèrent d'obéir, et ils appelèrent les hommes des équipages. Tous montèrent de compagnie sur la rive, et bientôt, du haut des rochers, une voix humaine se fit entendre qui disait « Ô vous, seigneurs, qui êtes dans le bateau, dissipez vos inquiétudes, car l'humble habitant de la rive n'a rien dans ses mœurs qui le rapproche des brigands. Il est bûcheron, et il retourne au soir vers sa cabane après avoir coupé son bois. Au moment où la pluie tombait avec violence, où l'ouragan se déchaînait, il n'a pu trouver un abri, et comme il s'était avancé sur un escarpement de la montagne, là il a écouté les vers harmonieux du sage et s'est arrêté quelque temps à juger les sons du luth. « Quoi ? » répondit en riant Peïa. « L'homme qui coupe du bois dans la montagne ose prononcer ces mots, juger les sons du luth ? Mais enfin, que cela soit vrai ou faux, peu m'importe. Vous autres, dites-lui de se retirer. » Or l'inconnu ne se retira pas, et du haut du rivage il répondit d'une voix ferme. « Le seigneur du bateau a prononcé des paroles erronées. Ne sait-il donc pas que la sincérité habite dans les hameaux, et que s'il y a un sage dans la maison, un autre sage ne tarde pas à se montrer à la porte. Ô grand homme, si au milieu du désert et de la montagne qui excite votre mépris, il n'y avait pas eu un homme capable d'apprécier vos accents, eh bien, au milieu de cette nuit silencieuse, au pied de ces rochers déserts, vous ne deviez pas vous arrêter à faire résonner votre luth. » Ces expressions n'avaient rien de vulgaire, et quand il les entendit, Peïa pensa que sans doute c'était un véritable connaisseur dont jusqu'alors il avait ignoré l'existence. Son premier soin fut d'empêcher ces gens de parler malhonnêtement à l'inconnu. Lui-même, il revint à la porte de la cabine. Sa colère s'était changée en joie, et s'adressant au bûcheron, il lui dit « Ô toi, sage, qui habite la rive, puisque tu es vraiment un amateur instruit, tu t'es arrêté assez longtemps pour savoir quelle est la chanson que je chantais tout à l'heure en m'accompagnant. » « Si je ne l'avais pas su, répondit l'étranger, je ne serais pas venu prêter l'oreille à vos accents. La chanson que le grand homme vient de répéter est celle que Confucius a composée sur la mort prématurée de Yen Wei. Ces vers ont été mis en musique pour être chantés sur le qin, et les voici. Quelle douleur ! Yen Wei est mort à la fleur de l'âge. À cette pensée, les hommes sentent leurs cheveux blanchir, et comme il se contentait de sa vie misérable au fond des rues pauvres et obscures. Après que vous avez eu chanté ces trois vers, la corde s'est brisée, et vous n'avez pu faire entendre le quatrième. Le pauvre bûcheron se le rappelle, et le voici. Il a pu conserver la renommée d'un sage accompli pendant des siècles infinis. » Cette réponse causa bien de la joie à Peïa. « Maître, s'écria-t-il, assurément vous êtes un lettré d'un mérite supérieur, mais il y a trop loin d'ici au rocher du rivage, et il est difficile de converser ainsi. » Là-dessus, il dit aux gens de sa suite de sauter à terre et d'aller prier le savant docteur de vouloir bien venir s'entretenir plus longuement dans la cabine. Les ordres de Peïa furent exécutés, et l'inconnu passa sur le bateau. C'était en effet un bûcheron. Il portait sur sa tête un bonnet d'écorce de bambou et sur toute sa personne des vêtements d'herbe tressés. Dans sa main, il tenait un bâton aiguisé, destiné à suspendre la charge de bois sur son épaule, et la hache était fixée à sa ceinture. Ses pieds se cachaient dans des souliers de paille. Les gens de la suite de Peïa, qui ne savaient guère garder dans leurs paroles un ton convenable, baissèrent les yeux et se regardèrent en souriant quand le bûcheron parut devant eux. « Coupeur de bois, lui dirent-ils assez durement, descendez dans la cabine, et en vous présentant en face de notre maître, songez à frapper votre front sur le parquet. Quand il vous interrogera, ayez grand soin de répondre comme il convient à un honorable magistrat. » Mais le bûcheron était un homme de sens. « Messieurs, répondit-il, soyez un peu plus polis. Attendez que j'ôte ces vêtements avant d'aller voir votre maître. » Aussitôt, il enleva sa coiffure d'écorce et il lui resta sur la tête un bonnet de toile bleue. Ses vêtements grossiers étant quittés, son corps n'était plus revêtu que d'une courte tunique de toile de la même couleur, qui couvrait ses épaules, se liait à la ceinture et descendait à peine aussi bas que l'exigeait la bienséance. Ensuite, sans se presser, sans se troubler, il prit le bonnet et les habits d'écorce, le bâton pointu et la hache, puis il déposa tout cela à la porte de la cabine. Enfin, il quitta ses souliers de paille, en essuya la boue et les remit à ses pieds. Après ces dispositions, il entra dans la chambre de Peïa. Dans cette cabine destinée à un magistrat, les lampes et les bougies jetaient un vif éclat tout autour du siège où l'envoyé de Tsou était assis. Le bûcheron approcha les mains de sa poitrine en faisant un long salut, et sans se mettre à genoux, il dit « Grand homme, je vous présente mes civilités. » Or, Peïa appartenait aux premières familles du pays de Tsou, et dans ce moment, il se trouvait face à face avec un pauvre bûcheron en habit de toile. S'il se levait de son siège pour lui rendre son salut, peut-être par cette condescendance, il déshonorerait le corps des magistrats. Et cependant, puisqu'il avait appelé le bûcheron dans sa cabine, il ne pouvait pas raisonnablement le renvoyer. Ne sachant trop quel parti prendre, Peïa fit un léger salut de la main à son hôte inconnu. « Mon sage ami, répondit-il, vous êtes dispensé de tout cérémonial. » Puis il ordonna d'apporter un siège, et le domestique dressa un petit banc à l'extrémité de la table. Laissant donc de côté l'étiquette d'usage vis-à-vis d'un étranger, Peïa dit à l'inconnu d'un ton sec. « Asseyez-vous, nous aurons le temps de savoir nos noms dans le courant de la conversation. » L'étiquette chinoise exige qu'on décline ses noms avant de prendre un siège. Celui-ci ne laissa point paraître d'humilité dans ses manières et s'assit avec une noble aisance, et Peïa, qui le vit prendre un siège sans plus de façon, ne put s'empêcher d'être un peu choqué de ses manières. Il ne lui demanda donc point ses noms et prénoms, et se dispensa aussi de faire servir le thé. Enfin, depuis quelques minutes, le bûcheron était assis et ne disait rien, lorsque Peïa demanda avec quelque surprise « Est-ce bien vous qui tout à l'heure avez du haut du rivage écouté en connaisseur les sons de mon luth ?» Le bûcheron n'articula aucune réponse. « Puisque vous êtes amateur, reprit Peïa, je vous demanderai, et vous devez le savoir, dans quel lieu le luth a pris naissance, quel en est l'inventeur, et quelles sont les ressources et les beautés de cet instrument. » Or, comme il faisait ces questions, le patron du bateau vint annoncer que le vent prenait une direction favorable. « La lune, ajoutait-il, jette une clarté pareille à celle du jour, il faut mettre à la voile. » Peïa était d'avis qu'on attendit un peu, et le bûcheron prit enfin la parole. « Grand homme, dit-il, vous avez daigné interroger le pauvre habitant du désert, mais s'il répond à votre demande, la longueur de son explication peut vous causer du retard. Il craint donc d'empêcher votre seigneurie de profiter de la brise favorable. Oh, reprit Peïa en souriant, ce qu'il y a à craindre, c'est que vous n'entendiez rien à ce qui concerne cet instrument, car si vous étiez capable de me donner l'explication demandée, comme je ne suis pas maintenant dans l'exercice de mes fonctions et qu'aucune affaire grave ne me presse, il serait fort indifférent d'apporter quelques instants de retard à mon voyage. « Puisque vous le prenez ainsi, répondit le bûcheron, le pauvre homme va sans se gêner donner son explication en détail. Cet instrument, c'est l'empereur Fo-Hi qui en est l'inventeur. Fo-Hi apparaît dans les annales de la Chine à la fin des temps fabuleux et à l'aurore des temps semi-historiques. Les auteurs chinois lui attribuent les premiers éléments de leur civilisation et l'invention de la plupart des instruments et ustensiles encore employés dans les cérémonies. Il avait vu l'âme des cinq planètes s'abattre en volant sur l'arbre Houtong. Le phénix aussi aimait à y faire briller son beau plumage. Or, le phénix est le roi des oiseaux. Il ne se nourrit que du fruit du bambou, ne se perche que sur l'arbre Houtong, ne boit qu'aux sources pures d'une eau douce. Fo-Hi connut alors que cet arbre l'emportait par ses qualités sur tous ceux de la forêt. Il sut dérober l'essence subtile de ces éléments favorables à son invention et put par leur secours obtenir des sons harmonieux. Il ordonna donc à ses gens d'abattre cet arbre, dont la hauteur était de 33 pieds, en rapport avec les 33 sphères célestes. Puis il coupa le bois en 3 parties, figurant le ciel, la terre et l'homme, qui sont les 3 puissances primitives. Quand il frappa la première de ces 3 parties, elle rendit un son trop clair. Il la trouva trop légère et la mit de côté. La partie inférieure, ainsi essayée, rendit un son obscur, trop peu articulé. Fo-Hi la rejeta comme étant trop pesante. Enfin, il frappa la partie intermédiaire, qui produisit un son à la fois clair et grave, dans lequel les 2 qualités précédentes se balançaient dans un parfait équilibre. Alors il plongea ce bois dans les eaux de la rivière et l'y laissa tremper pendant 72 jours, qui correspondent aux 72 heiou, petite division de l'année. Puis il le porta à l'ombre pour le faire sécher, et après avoir choisi une époque favorable et un jour heureux, il le confia aux mains d'un charpentier habile, Liu Tseki, lequel en fit un instrument de musique. Comme il servit dans ce temps à exécuter la musique appelée Yao Chi, on le nomma Yao Kin. Sa longueur fut de 3 pieds 6 pouces une ligne, figurant les 361 degrés du ciel. Sa partie supérieure, large de 8 pouces, représentait les 8 divisions de l'année. Les 4 saisons étaient figurées par le côté inférieur, large de 4 pouces, et son épaisseur de 2 pouces seulement était un symbole du ciel et de la terre. Voici quelles sont ces diverses parties. La tête qu'on nomme le jeune immortel d'or, la ceinture qu'on appelle la jeune fille de jade, le dos désigné par le nom d'habitant des cieux. Le plus grand est dit bassin du dragon, le plus court étang du phénix. Tous les deux ont des chevilles de jade et des touches d'or, au nombre de 12, en harmonie avec les 12 lunes de l'année. Il y en a même une de plus pour représenter la lune intercalaire. Jadis, le kin portait 5 cordes, figurant à l'œil les 5 éléments, les métaux, l'eau, le bois, le feu et la terre. Mais au fond et dans leur essence, ils représentaient les 5 tons de la gamme qui portaient le nom de chacune de ces cordes. Au temps de Yu, de Yao et de Shun, les 3 premiers empereurs dont s'occupent les livres sacrés des Chinois, leurs 3 règnes s'étendent de 2277 à 2205 avant Jésus-Christ. On touchait le luth à 5 cordes pour chanter les vers de Nanfeng. le vent du sud, qui servait à établir le règne des lois dans l'empire. Plus tard, Wen Wang de la dynastie des Cheu ayant été captif à Meili, il voulut, pour consoler son fils, le prince Pei Yi Kao, y ajouter une corde qui, par ses sons à la fois éclatants et tristes, exprimait le deuil et la douleur. On l'appela la corde de Wen Wang. À Wu Wang, son tour ayant détrôné Cheu Xin, le dernier empereur de la dynastie des Shang, 1134 avant Jésus-Christ, fit refleurir la musique aux dépens de la danse. Il ajouta donc encore au qin une corde qui rendait un son majestueux et brillant. On l'appela la corde de Wu Wang. L'instrument compta alors 7. Or, il y a 6 choses que redoute le qin, 7 occasions dans lesquelles on ne doit pas le faire résonner, et 8 qualités éminentes qui le distinguent. Les 6 choses qu'il redoute, ce sont le grand froid, la grande chaleur, le grand vent, la grande pluie, la foudre qui suit de près l'éclair, et la neige trop abondante. Voici les 7 circonstances dans lesquelles il faut s'abstenir de jouer du luth. Quand on apprend une nouvelle de mort, quand on joue de la flûte dans le voisinage, quand on est accablé d'affaires qui préoccupent, quand on n'a pas purifié son corps, quand on n'a pas ses vêtements et son bonnet de cérémonie, quand on n'a pas fait brûler des parfums et quand on ne se trouve pas à portée d'un ami qui connaît la musique. Maintenant, quelles sont les 8 grandes beautés des sons de cet instrument? Les voici. Ils sont clairs, mystérieux, mélancoliques, harmonieux, vibrants, tristes, graves et étendus comme le temps et l'espace. Quand le musicien arrive en touchant le luth à ses plus beaux, à ses plus puissants effets, le tigre furieux, s'il vient à l'entendre, cesse de rugir. Le singe qui se lamente, si ses accents frappent son oreille, interrompt sa plainte. Telles sont les admirables vertus de l'harmonie. Quand il entendit ce flux de réponses qui coulait à grands flots, Peiya craignit d'avoir rencontré un demi-savant qui récitait au hasard des choses apprises. « Si cet homme est ce que je pense, se dit-il à lui-même, nos relations se borneront à cet accueil un peu sans façon. Cependant, voyons, il faut mettre une fois encore son érudition à l'épreuve. Et d'ailleurs, nous n'avons point jusqu'à ce moment décliné nos noms, je puis donc continuer sur le même pied. » « Puisque vous connaissez les fondements de l'art musical, dit-il alors à haute voix, je vous ferai cette question. Au moment où Confucius jouait du luth dans sa maison, Yen Wei, qui se trouvait dehors, entra, et quand le son triste et couvert de l'instrument frappa son oreille, il eut quelques soupçons que des pensées d'avidité et de meurtre traversaient l'esprit du sage. » Il en fut fort surpris et questionna Confucius qui lui répondit « Tandis que je jouais du luth, j'ai aperçu un chat qui cherchait à prendre une souris. Je voulais qu'il la prît et je craignais même qu'elle ne lui échappât. » Voilà quelles étaient les pensées d'avidité et de meurtre qui traversaient mon esprit. Or, d'après ce que vous avez laissé voir dans votre explication sur les cordes et le bois de l'instrument, vous avez commencé à faire connaître les bases de la musique d'après les écoles des anciens sages, mais il s'agit d'entrer dans de plus subtils détails. Maintenant, quand je vais toucher mon luth, pourrez-vous, à l'audition de la musique, connaître les sentiments de mon cœur ? Le bûcheron répondit : Les vers disent ce que les autres hommes ont dans la pensée, moi je le pèse et l'examine. Si sa seigneurie veut bien, pour essayer, jouer un petit air, je pourrais hasarder quelques conjectures, résultat de mes réflexions. Si je ne devine pas juste, le grand homme voudra bien ne pas s'en offenser. » Là-dessus, Peiya ajusta la corde brisée, et après qu'il eut réfléchi profondément pendant quelques instants, ses pensées prirent leur vol vers les hautes montagnes. À peine avait-il touché son luth, que le bûcheron s'écria avec enthousiasme : « Quelle beauté, quelle immensité !» les pensées du grand homme se portent sur les montagnes élevées. » Peïa ne répondit rien, mais il crut avoir devant lui un immortel. Puis il fit de nouveau résonner son luth. Cette fois, il laissait voguer sa pensée au gré des eaux. Mais l'étranger s'écria de nouveau avec admiration. « Quelle beauté, quelle vaste étendue! Vos pensées se portent sur le courant des fleuves. » Et par ces deux phrases, il avait deviné ce qui occupait le cœur de Peïa. Ce genre de conversation entre deux lettrés a sans doute plus d'attrait pour l'habitant du Céleste Empire que pour le lecteur français. Toutefois, ces passages font connaître quelle importance les Chinois attachent à leur histoire et avec quel soin ils étudient les plus anciennes traditions de leur pays. Ces phrases sont toujours écrites dans un style serré et soutenu, ce qui est pour le traducteur une difficulté de plus. Or, celui-ci était tout stupéfait. Il laissa là son luth et, saluant le bûcheron avec toutes les politesses qu'on doit à son hôte, il lui dit à plusieurs reprises « J'ai manqué d'égard, j'ai manqué de respect au noble étranger. Dans la pierre se cachait un jade précieux. En jugeant d'après les dehors d'un homme, ne s'expose-t-on pas à méconnaître le plus sage docteur de l'Empire ? Maître, quels sont les nobles noms de votre seigneurie ?»« Chong est celui de ma famille, » répondit le bûcheron en s'inclinant, « et mon petit nom est Tse-ki. » À ces mots, l'envoyé du roi de Tsin joignit ses mains et les rapprocha de sa poitrine, en répétant les noms de son hôte qui, à son tour, fit les mêmes questions avec les mêmes cérémonieuses politesses. Ensuite, Peïa mit le bûcheron à la place d'honneur et s'assit lui-même à la seconde. Bien vite, il ordonna au domestique de servir le thé. Après le thé, il fit apporter le vin. On remplit la coupe, et alors le magistrat dit à son hôte « Mon intention, en vous offrant ce verre, est d'entrer en conversation avec vous. Daignez, je vous en conjure, ne pas vous formaliser d'un si grossier accueil. » Le bûcheron se tut par politesse, mais les domestiques avaient enlevé le kin, et les deux amateurs de musique, assis à la table, se mirent à boire quelques gouttes de vin. Ce fut encore Peïa qui rompit le silence. « Maître, demanda-t-il, votre accent est bien celui des habitants de Tsou, mais j'ignore en quel lieu est votre noble demeure. »« Tout près d'ici, répondit le bûcheron Tse-ki, dans la montagne Niaogan, au village de Tse-yen. C'est là qu'est ma pauvre maison. » « Bien, reprit Peïa en hochant la tête. L'endroit que vous habitez est en vérité un village abondant en sages, Tsi-hien. Mais dites-moi, quelle est votre profession ? Je coupe du bois dans la forêt pour gagner ma vie. » Docteur Tse-ki, s'écria de nouveau Peïa avec un sourire, l'humble magistrat ne devrait pas parler de choses qui sont au-dessus de sa sphère, mais doué d'autant de connaissances que vous l'êtes, docteur. Comment ne cherchez-vous pas à obtenir une renommée, récompense des services que vous pouvez rendre? Pourquoi ne cherchez-vous pas à vous élever au rang qui donne accès dans le palais impérial et à écrire vos noms sur des pages qui le fassent passer à la postérité? Sacrifier ainsi son goût au milieu des forêts et des ruisseaux, confondre ses traces avec celles des bûcherons et des bergers, c'est s'exposer à pourrir avec le tronc des arbres. J'ose désapprouver votre conduite, docteur. Seigneur, répondit le bûcheron, je ne vous cacherai pas la vérité. J'ai chez moi de vieux parents qui n'ont point d'autre soutien que moi, car je n'ai pas de frères. Ainsi, il faut que j'aille exercer ma profession pour subvenir à leurs besoins quotidiens, et cela jusqu'à la fin de leur vie. Quand je devrais être élevé à l'une des trois grandes dignités de l'Empire, je ne changerai pas cette gloire pour le soin de chaque jour. Un tel exemple de piété filiale est assurément plus rare encore que les talents qui vous distinguent, dit Peïa. Puis tous deux se mirent à vider quelques verres. Le bûcheron ne s'était pas plus ému de ses faveurs qu'il ne s'était choqué des fiertés du grand seigneur, et comme l'estime que celui-ci avait conçue pour son hôte s'était beaucoup accrue, « Docteur, lui demanda-t-il encore, combien comptez-vous de printemps ? Déjà, j'en ai laissé passer 27. Je suis l'aîné de 10 ans, reprit Peïa. Si le docteur Tseki ne refusait pas de cimenter notre liaison par le titre de frère, je pourrais ainsi n'être point ingrat envers celui qui a conquis mon amitié en appréciant la musique. Grand homme, objecta le bûcheron, vous vous laissez égarer. N'avez-vous pas à la cour un nom et des titres, tandis que le coupeur de bois Tseki n'est qu'un pauvre villageois d'une obscure campagne. Il y aurait pour lui de l'audace à s'élever si haut, et pour vous, du déshonneur à vous abaisser si bas. Écoutez, ajouta Peïa, des gens qui se connaissent à demi, il y en a plein l'Empire, mais des amis de cœur, le nombre en est borné. D'ailleurs, si l'humble magistrat, faible grain de poussière chassé par le vent, pouvait lier amitié avec un sage distingué comme vous, il s'en féliciterait mille fois le reste de ses jours. Si, parce que vous êtes pauvre et d'une humble naissance, vous avez du mépris pour la fortune et la noblesse, quel homme est donc Peïa à vos yeux? Aussitôt il ordonna à son serviteur de ranimer le feu de la cassolette et d'y jeter de nouveau des parfums précieux. Puis, au milieu de la cabine, il fit 8 salutations profondes devant le bûcheron qui les lui rendit. Peïa, étant plus âgé, prit le titre de frère aîné. Celui de frère cadet appartint à Tseki, comme le plus jeune des deux. Du jour où 2 personnages se sont unis par le lien de fraternité pendant toute leur vie jusqu'à la mort, cette intimité ne doit pas se démentir. Après ces cérémonies, Peïa demanda le vin chaud et ils en burent encore une coupe. Le bûcheron céda donc la place d'honneur à son frère aîné et sur ses instances, Peïa reporta au haut de la table son verre et ses bâtonnets. Déjà tout familiarisé par cette appellation amicale, ils causèrent à cœur ouvert et cependant d'après l'ordre qu'imposait la différence d'âge, car, on dit avec raison, quand on reçoit un hôte avec lequel on sympathise, les sentiments de l'affection s'expriment sans réserve, et l'ami qui vous a connu par l'effet des sons écoute vos paroles longtemps et avec une oreille favorable. Ainsi donc ils causaient et discutaient bien et beaucoup, lorsque la lune pâlit, les étoiles diminuèrent peu à peu, et du côté de l'est parut une blanche lumière. Les mariniers se mirent à préparer les cordages et les mâts et à faire toutes les dispositions pour mettre à la voile. Tseki se leva donc pour prendre congé de son hôte, mais le grand seigneur remplit une coupe, la donna au bûcheron et saisissant sa main, il lui dit avec un soupir « Mon sage frère cadet, pourquoi notre visite amicale s'est-elle tant prolongée? Pourquoi se séparer si tôt ?» À ces mots, des larmes sortirent des yeux du bûcheron et coulèrent goutte à goutte dans sa coupe. Cependant, quand il eut avalé d'un trait le vin que lui avait présenté Peïa, il lui renouvela ses adieux avec respect. Tous les deux étaient déjà unis par le lien d'une amitié solide et indélébile. Alors, Peïa, prenant la parole, dit à son hôte « Je n'ai pu vous exprimer tous mes sentiments, eh bien, je suis décidé à retenir près de moi mon sage frère cadet afin de voyager quelques jours dans sa compagnie. Cette proposition est-elle acceptée ?»« Hélas, répondit Tseki, il n'est rien que je ne fisse pour me conformer à votre volonté, mais tant que mon vieux père et ma vieille mère sont vivants, je ne puis m'absenter pour un long voyage. »« Eh bien, ajouta Peïa, puisque vos nobles parents sont dans votre illustre demeure, allez leur demander la permission de venir rendre une visite à votre frère indigne dans le pays de Tsin. De cette manière, vous pourrez exécuter ce voyage, puisqu'alors, ainsi que l'ordonne le livre des rites, vous aurez fait connaître à vos parents le lieu où vous allez. Je n'ose promettre légèrement, reprit le bûcheron, ni m'exposer à manquer de fidélité, selon les expressions de Lao Tse. Par un engagement téméraire, je serai lié. Il me faut donc avant tout demander la permission à mes vieux parents, mais au cas où ils ne m'accorderaient pas ma demande, mon sage aîné pourrait m'attendre en vain à une si grande distance, et ce serait de la part de votre jeune frère un plus grand crime encore. « Vos paroles pleines de sens, répondit Peïa, sont celles d'un sage de la plus haute vertu. L'année prochaine, je reviendrai vous voir. À quelle époque de cette prochaine année dois-je attendre l'honorable arrivée de mon sage ami ? Écoutez, répondit Peïa en comptant sur ses doigts. C'est ce matin même qu'a commencé la deuxième division de l'automne. Ce jour va être le 16e du 8e mois. À cette même époque, je reviendrai vous rendre ma visite. Si, passé la seconde quinzaine, vous attendez en vain jusqu'à la moitié du 3e mois d'automne l'accomplissement de mes promesses, ne me tenez plus pour un sage. » Puis il recommanda à son domestique de bien se rappeler le nom du lieu où habitait son ami Chang Tse, et le jour fixé pour le rendez-vous, et l'écrivit lui-même sur un portefeuille. « Puisque la chose demeure ainsi arrangée, ajouta le bûcheron, je serai au jour fixé sur le bord du fleuve Qiang à vous attendre avec respect. Ne craignez pas que j'y manque. Mais l'aurore paraît déjà, et il faut que je prenne congé de mon frère. » Peïa le pria d'attendre quelques minutes encore. Il chargea son domestique d'atteindre de ses coffres deux lingots d'or, et sans prendre la peine de les envelopper, il les présenta de chaque main à son ami, en lui disant « Ces deux petits présents pourraient-ils, faute de mieux, avoir le bonheur d'être acceptés volontiers de vos honorables parents, deux membres de la famille des lettrés, unis comme la chair et les os, comme les fils d'une même mère, ne doivent pas dédaigner de faibles présents. » Le bûcheron n'osait refuser. Toutefois, en recevant ces cadeaux, il fit un profond salut d'adieu et prit congé. En sortant de la cabine, il parvint à arrêter ses larmes, ressaisit le bâton laissé à la porte, jeta sur son épaule les vêtements de travail et suspendit de nouveau la hache à sa ceinture, puis cédant de la main, il sauta sur la rive. Peïa l'avait conduit jusqu'à la proue du bateau, et là ils se séparèrent les yeux humides. Nous laisserons Tseki retourner dans sa maison et nous continuerons de suivre Peïa, qui à l'heure convenue fit voile pour continuer son voyage d'agrément. Il n'avait plus de goût pour admirer les fleuves et les montagnes. La tristesse était dans son cœur et son esprit restait occupé du souvenir de l'ami qu'il avait connu par le son du luth. Après quelques jours de route par eau, il quitta ses bateaux et continua de voyager par terre. Dans les lieux où il passait, comme on savait que le seigneur Peïa était un grand dignitaire du roi de Tsin, on se gardait bien de manquer de prévenance. On envoya donc au-devant de lui un char, sur lequel il fit son entrée dans la ville capitale. Là, l'envoyé rendit compte de sa mission au souverain. Cependant, le temps passe avec rapidité. L'automne, l'hiver s'étaient succédés. Le printemps s'écoula aussi et l'été arriva. Toujours plein d'affection pour son ami de la montagne, Peïa n'était pas un jour sans songer à lui. Voyant donc la seconde moitié de l'automne approcher, il demanda au roi de Tsin un congé pour retourner dans les provinces. Cette permission lui fut accordée, et aussitôt le seigneur Peïa, disposant ses bagages, partit pour recommencer la même tournée. Il fit route en suivant le cours du fleuve, et la voile était à peine hissée qu'il recommanda au patron du bateau de venir l'avertir quand on serait arrivé au lieu où l'on jette l'ancre. Le hasard voulut que, précisément à la nuit du 15e jour de l'automne, le maître de la barque vint annoncer dans la cabine qu'on était à une toute petite distance du mont Nyaungan. En effet, il sembla bien à Peïa reconnaître le lieu où l'année précédente il avait eu l'entrevue avec le bûcheron. Il donna donc l'ordre d'arrêter le bateau, et les mariniers laissant tomber dans l'eau les griffes de l'ancre, la barque fut amarrée le long du rivage. La nuit était claire et sereine, la lune jetait furtivement à travers la cabine une lumière éclatante qui perçait le rouge treillis placé devant la porte. Peïa ordonna à son domestique de rouler le store de bambou. et sortant lui-même hors de la chambre, il alla se placer sur la proue du bateau. Là, il se mit à contempler la constellation de la Grande Ourse, le fond des eaux, la voûte des cieux, et toute cette vaste immensité était lumineuse comme un jour brillant. Alors lui revint en mémoire la rencontre de l'année précédente, la pluie soudainement arrêtée, la lune répandant sa clarté. Or, cette même nuit se reproduisait. C'était la dernière de la deuxième quinzaine du mois, époque du rendez-vous. Peïa, les yeux fixés sur le rivage, s'étonnait de ce que rien ne trahissait la présence de l'ami attendu. Aurait-il donc manqué à sa promesse? Enfin, après une assez longue attente, il se dit à lui-même « Je comprends maintenant. Sur les bords de ce grand fleuve Kiang, il passe tant de bateaux. Et puis, celui qui m'amène aujourd'hui n'est pas le même que celui de l'an dernier. Ainsi, comment mon jeune frère m'aurait-il reconnu? Puisque l'an dernier, c'est la voix du luth qui a été émouvoir le cœur de l'ami qui m'a connu par les sons, cette nuit donc, je vais jouer un air afin que mon frère l'entende, et il ne manquera pas de se présenter au rendez-vous. » Aussitôt, il demanda qu'on dressât le luth sur la table à la proue du bateau. Les parfums furent jetés dans la cassolette, le siège fut préparé, et Peïa, tirant l'instrument de son enveloppe, se mit à l'accorder. Mais les sons qu'il rendait étaient sombres et sans éclat, et la corde du sol vibrait avec un accent de douleur. Peïa ne voulut pas jouer davantage. « Puisque cette corde rend un son si lugubre, songea-t-il en soupirant, c'est que dans la maison de mon jeune frère il y a du deuil. L'an dernier, je me rappelle, il a parlé de ses parents qui sont fort âgés. Si ce n'est son père, peut-être ce sera sa vieille mère qui l'a perdu. Lui d'ailleurs est si plein de piété filiale. Il faut avant tout peser les circonstances. Me manquer de parole, ce serait une bagatelle, et cela ne vaut-il pas bien mieux que de ne pas rendre à des parents les devoirs promis ? Sans aucun doute les choses se sont passées ainsi, et voilà pourquoi Tseki n'est pas venu. Oh, qu'il me tarde de voir arriver le jour pour aller moi-même sur le rivage m'informer de mon frère. » Là-dessus, Peïa fit ramasser l'instrument, et lui-même il descendit dans la cabine pour dormir en attendant le jour. Mais de toute la nuit, il ne put fermer l'œil. Il appelait l'aurore de tous ses vœux, et l'aurore ne venait pas. Il souhaitait le jour, et les ténèbres ne se dissipaient pas. Peu à peu, la lune, en se retirant, fit changer l'ombre du treillis de la porte, et avec le jour parut le pic de la montagne. Bien vite, Peïa se lève et fait sa toilette. Il s'enveloppe la tête d'une étoffe de soie, prend des vêtements commodes, et sans autre suite que son petit domestique qui portait l'instrument, il débarque après s'être muni d'environ 25 onces d'or. Car, pensait-il, si mon frère garde le deuil, ce petit présent pourra lui être utile pour les frais des cérémonies funèbres. Descendu sur le rivage, il s'avance d'un pas lent et grave dans la direction du mont Niaogan, et à peine avait-il marché pendant 10 lis qu'il débouche dans une vallée, et là il fit halte. « Seigneur, demanda alors le domestique, pourquoi s'arrêter ?»« Ici la montagne se divise, répondit Peïa. Une partie va vers le sud, l'autre vers le nord. Une route suit la direction de l'est, une seconde celle du couchant. Ainsi, cette double montagne forme une double vallée qui présente aussi 2 grands chemins. Or, comment savoir lequel conduit au village de Tsihien ? Il faut donc attendre qu'il passe quelqu'un qui connaisse la route. Nous l'interrogerons et sur sa réponse, nous pourrons continuer notre marche. » Le maître se reposa donc un peu sur une pierre, tandis que le petit domestique restait debout derrière lui. Mais bientôt, par la grande route qui s'ouvrait sur la droite, arriva un vieillard dont la barbe pendait comme des fils de jade, et les cheveux flottaient pareils à un tissu d'argent. Sa tête est couverte d'un bonnet d'écorce, ses vêtements sont ceux d'un campagnard. sa main droite s'appuie sur un bâton de rotin. À son bras gauche est suspendu un panier de bambou. Il s'avance à pas lents. À sa vue, Peya rajuste ses habits et s'avance pour le saluer avec respect. Mais sans se troubler, sans se presser, le vieillard dépose à terre son panier avec la plus grande aisance et, levant le bâton de ses deux mains, il s'incline à son tour en disant « Docteur, que daignez-vous ordonner ?»« Il y a deux routes, » répondit Peya, « et je désirerais savoir de vous laquelle conduit au village de Tsihien. » « Toutes les deux y conduisent, » reprit le vieillard. « Celle de droite mène à la partie haute et celle de gauche à la partie basse du village. On compte 30 lis de distance. Quand vous serez sorti de la vallée dans laquelle vous marchez maintenant, vous vous trouverez à moitié route. Par l'est, il y a 15 lis et 15 aussi par la route de l'ouest. Mais je ne sais dans laquelle des deux parties du village votre seigneurie veut aller. » Peya resta silencieux. Au lieu de répondre, il songeait avec étonnement que son jeune frère, homme plein de tact et d'intelligence, lui avait indiqué sa demeure d'une manière bien peu précise. « Au jour où nous nous sommes vus, » dit-il en lui-même, « tu savais bien qu'il y avait deux villages distincts portant le nom de Tsiyen. Est-ce celui d'en haut? Est-ce celui d'en bas? Pourquoi ne pas s'être mieux expliqué ?» Et Peya restait dans une grande indécision. « Docteur, reprit alors le vieillard, je vous vois plongé dans des réflexions profondes. Cependant, quelle que soit la route que vous adoptiez, peu importe, car il n'y a aucun intervalle entre ces deux villages qui portent tous les deux la même dénomination. Je puis vous assurer, docteur, qu'il n'y a pas de danger que vous cherchiez longtemps. « Eh bien, à la bonne heure, » dit Peya, et le vieillard reprit. Ces deux villages, ensemble, consistent en une 20aine de maisons de paysans. Nous autres habitants, nous vivons tous ici dans la retraite, fuyant les bruits du monde. Moi-même, j'ai demeuré bien des années dans la montagne, et voilà 30 ans que j'habite ces lieux. Il n'y a personne qui ne soit mon parent, pas une de ces fermes qui ne soit habitée par quelqu'un de ma famille, ou tout au moins quelqu'un de mes amis. « Sans doute aussi, docteur, vous allez dans ce village pour vous informer d'une personne de votre connaissance. Si vous voulez bien me dire ses noms, il est sûr que je connaîtrai sa demeure. Je désirerais aller à la ferme d'un individu nommé Chang, » dit Peya. « Quoi ? » interrompit le vieillard. « Vous allez chez Chang ? Et qui voulez-vous voir dans cette maison ? C'est qui ? » répondit Peya. À ce nom de Tseki, la vue du vieillard se troubla. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Il se mit à gémir, à sangloter, et d'une voix étouffée par la douleur, il s'écria. « Tseki Chang, c'était mon fils. L'an dernier, à pareil jour, il était allé couper du bois, et revenait vers le soir, quand il rencontra le seigneur Peiya, haut fonctionnaire de la cour du roi de Tsin. » Tout en conversant, ils se prirent d'amitié, et au moment de se séparer, le seigneur P donna à mon fils 2 lingots d'or, avec lesquels celui-ci acheta des livres et se plongea dans l'étude. Moi, vieillard ignorant et dénué de connaissances, je ne sus pas l'en empêcher. Le matin, il allait couper le bois et revenait bien chargé. Le soir, il lisait et se fatiguait par un travail opiniâtre. Ses forces ne tardèrent pas à faiblir. Il devint languissant et tomba malade d'épuisement. Puis, au bout de quelques mois, il mourut. Quand il entendit ces paroles, Peya fut prêt à défaillir. Des larmes s'échappèrent en torrent de ses yeux. Il poussa un grand cri, et comme si les pics des montagnes se fussent à droite et à gauche renversés avec fracas, il s'évanouit et roula à terre. Surpris et effrayé, le vieillard arrêta ses pleurs, et soutenant Peya, il demanda au petit domestique quel personnage était son maître. L'enfant se pencha et dit à l'oreille du vieillard « C'est le seigneur Yu Peya lui-même. »« Quoi ? C'est le seigneur Peya ? » reprit vivement le vieux paysan. C'est l'ami de mon pauvre fils ? » Puis il le releva, et celui-ci, après avoir recouvré ses sens, resta assis sur la terre. Il était suffoqué par la douleur, il frappait sa poitrine, et dans l'excès de son chagrin, il s'écria « Mon sage frère, la nuit dernière, quand je jetais l'ancre, je t'accusais d'avoir manqué à ta parole. J'ignorais que tu n'étais plus qu'un esprit habitant au bord des neuf fontaines. Tu avais un talent si supérieur. Pourquoi n'avoir pas vécu plus longtemps ?» Le père de Tseki avait suspendu le cours de ses larmes, et quand Peiya eut ainsi exprimé son chagrin, il se leva et salua le vieillard avec la plus grande politesse en disant « Oserais-je donner au vénérable Chong mon propre nom pour perpétuer ainsi le lien de fraternité qui m'unissait à son fils ?» Puis, interpellant alors le vieux paysan du nom de Lao Pei, il lui demanda si le corps de son cher fils était encore dans son cercueil à la maison, ou si déjà on l'avait déposé hors de la ville dans le cimetière. « Ce que j'ai à vous dire sur la dernière heure de mon enfant, répondit le vieillard, ne saurait s'exprimer en peu de mots. J'étais avec sa pauvre mère assis au chevet de son lit lorsqu'il nous donna, avant d'expirer, les recommandations suivantes. Vivre longtemps ou mourir jeune, cela dépend du ciel. Votre fils va mourir sans pouvoir remplir envers vous les devoirs d'un enfant pieux. Quand il aura rendu le dernier soupir, enterrez-le, il vous en supplie, sur les bords du Kiang, auprès du mont Nyaungan, afin que soit accomplie la promesse qu'il a faite naguère au seigneur Peiya. Et moi, je n'ai pas voulu mépriser les dernières volontés de mon fils. À gauche du sentier par lequel vous êtes venu, seigneur, il y a un petit tertre fraîchement élevé, et c'est sous son abri que repose Chong Tse-ki. Aujourd'hui, voici le centième jour qui s'écoule depuis sa mort. J'avais pris quelques feuilles de papier doré pour aller les brûler sur sa tombe, quand j'ai rencontré par hasard votre seigneurie. Eh bien, reprit Peiya, je vous accompagnerai, mon père, je veux aller me prosterner devant le tombeau. Puis il dit à son petit serviteur de prendre à son bras le panier que portait le vieillard, qui chemina en avant appuyé sur son bâton pour montrer la route. Derrière lui marchait le seigneur Peiya, et le domestique fermait le cortège. Tous trois, ils revinrent à l'entrée de la vallée. Là s'offrit à leur regard un amas de terre fraîchement remuée. À la gauche du chemin, à gauche puisqu'ils retournaient, Peiya fit un salut cérémonieux et dit « Mon sage frère, sur la terre vous étiez un homme éminent par vos talents et votre génie. Après votre mort, vous devez être un esprit immortel qui peut manifester sa puissance par des prodiges. Votre humble frère vous salue. C'est avec une sincère affection qu'il vous dit un éternel adieu. » À ces mots, la voix lui manqua, et il éclata en sanglots avec une telle violence qu'il toucha et émut les montagnes voisines. Les gens des environs sans distinction, voyageurs ou habitants, ceux qui se trouvaient éloignés comme les plus proches voisins, furent saisis de tristesse. Au bruit de ses plaintes, tous accoururent pour savoir la cause de cette scène inattendue, et quand ils surent que c'était un grand dignitaire de la cour qui présentait des offrandes sur la tombe de Tseki, ils se pressèrent à l'envi autour du tertre funèbre pour être témoins de ce spectacle. Cependant, Peiya ne voulait point se borner à ces cérémonies. Il eut cru n'avoir pas obéi aux impulsions de son cœur. Il se fit donc apporter l'instrument de musique, le plaça devant lui sur le banc de pierre qui couvrait le corps de son ami, et s'asseyant les jambes croisées devant le tertre funéraire, il joua un air tandis que les larmes coulaient sur ses joues. Tous ceux qui étaient présents eurent à peine entendu les sons aigus et vibrants du kin qu'ils battirent les mains et se dispersèrent avec des éclats de rire. « Digne vieillard, demanda Peiya fort surpris, pendant que je consolais par ces notes l'âme de votre noble fils, j'étais en proie à la plus profonde douleur. Pourquoi donc tous ces gens se sont-ils retirés en riant ? Ce sont des paysans qui n'entendent rien à la musique, Les sons de votre lutte leur ont semblé ceux d'un instrument qui exprime la joie, et voilà la cause de leur gaieté subite. Puisqu'il en est ainsi, reprit Peïa, je demanderai à mon noble père si lui-même est versé dans la connaissance de cet art. Dans ma jeunesse, répondit le vieillard, je m'y suis beaucoup exercé, mais désormais me voilà bien âgé. J'ai passé 60 ans, mes organes s'émoussent, et mon cœur obscurci n'est plus capable de discerner clairement ce qui le toucherait. À l'instant même, continua Peïa, j'ai improvisé quelques strophes destinées à consoler votre cher fils dans sa tombe. Je vais vous les réciter. Prêtez l'oreille. Le vieillard témoigna un grand désir d'entendre ces vers, et Peïa répéta les lignes suivantes. Je me rappelais que l'an dernier, au printemps, la rencontre de Peïa et du bûcheron a eu lieu, comme on l'a vu, en automne. Le mot printemps est sans doute appelé par la rime du vers suivant, Chun printemps et Kun sage. Je me rappelais que l'an dernier, au printemps, j'avais sur les bords du Kiang rencontré un sage. Aujourd'hui, je revenais pour le voir, mais je ne trouvais plus l'ami qui m'avait connu par la musique. Je ne rencontrais qu'un tertre funèbre. Ô douleur, combien mon cœur fut navré. Ô chagrin, ô malheur, ô sort cruel. Malgré moi, mes larmes roulent comme des perles sur mes joues. J'étais venu plein de joie, et combien mon départ est douloureux. Au bord du Kiang s'élève un brouillard de tristesse. Ô Tseki, ô Tseki, nous étions unis par les liens d'une amitié pure et précieuse. Toute l'étendue des cieux ne suffirait pas à l'exprimer. Mais cette chanson s'achève, et je ne ferai plus résonner mon luth, le luth destiné à chanter les vers de l'étang Yaochi. Le luth des anciens empereurs est mort à cause de vous. Après avoir fait entendre ces vers, Peïa tira de la doublure de son vêtement un couteau, l'ouvrit et coupa les cordes du luth. Puis, élevant l'instrument à deux mains au-dessus de la pierre sur laquelle on déposait les offrandes, il le laissa tomber avec violence. Le chevalet de jade sauta en éclats, et les touches d'or furent mises en pièces. Le vieillard, tout surpris, lui demanda pourquoi il brisait ainsi son luth, et voici la réponse que lui fit Peïa. « J'ai brisé le luth, la queue du phénix est déjà froide. C'est qui n'est plus, devant qui ferais-je résonner l'instrument? Du printemps à l'automne, on trouve à chaque pas des compagnons et des amis, mais rencontrer un homme qui apprécia le luth, ce serait trop difficile. » « Quel malheur, quelle pitié !» s'écria le vieillard. « Dans quelle partie du village de Tsihien habitez-vous, mon noble père ?» demanda Peïa. « Ma pauvre demeure est dans la partie haute du village. C'est la 8e maison. Mais pourquoi sa seigneurie m'adresse-t-elle cette question ?»« Mon âme est plongée dans la tristesse, » continua Peïa. « Je n'ose vous suivre dans votre demeure. J'avais apporté sur moi quelques onces d'or. Daignerez-vous en accepter la moitié ? L'autre part servirait à acheter quelques arpents qui encloreront la tombe, afin qu'on puisse, au printemps et à l'automne, nettoyer le terrain autour du lieu où repose votre fils. De retour à la cour où m'appellent mes fonctions, je demanderai la permission de m'en aller pour toujours dans mon pays natal, et alors je reviendrai ici chercher mon noble père avec sa respectable compagne, et je les emmènerai dans mon humble demeure, où ils couleront en paix les années que le ciel leur accordera. Tseki et moi, n'est-ce pas la même chose? Veuillez donc ne point me considérer comme un homme étranger à votre famille, et ne pas mépriser mon offre. » Après ces mots, Peïa présenta l'argent au vieillard et s'inclina devant lui jusqu'à terre, en fondant en larmes. Le père de Tseki répondit à ce salut et remercia en pleurant aussi. La moitié du jour s'était passée en épanchement prolongé quand ils se séparèrent. Telle est l'histoire de Yu Peïa, qui brisa son luth en disant adieu à son ami. Plus tard, on a composé à cette occasion les vers suivants. Le lien de l'affection est puissant, l'amitié a de généreux efforts. Parmi les lettrés, qui pourra rappeler l'exemple de Chang Tse qui connut Peïa par la voix de son luth? Si Peïa n'eût pas passé à la postérité, Tseki fut resté dans l'oubli. Mais à cause de lui, après bien des siècles, on parle encore du luth brisé.